بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل بروفيتابل دون توحيد لجوز بريدانس العقيدة par notre humble شيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة donc comme nous l'avons dit après cette coupure nous allons poursuivre dans cette explication de Al-Mabadi al-Mufida de notre cher Yahya ibn Khalil al-Hajouri Hafizallahu ta'ala. Une explication toujours aussi sommaire. Min bab al-ittila' ala al-kitab. Juste histoire de, d'avoir pris les prémices de ce livre et ses fondements principaux. Naam. Car en réalité, ce livre pourrait être expliqué, mas'ala, chaque mas'ala pourrait être expliqué avec de longues pages. Car elles sont très importantes. Mais là, comme vous le saviez, nous l'avons dit, le but de ce livre avait été fait pour les enfants à la base et les débutants. Et la première chose qui amène à la compréhension, c'est les paroles brèves et concises. Car lorsqu'on s'allonge trop sur un sujet, ce genre de choses, cela amène à oublier la source du livre. C'est une chose qui souvent a été reprochée à des gens, des fois, qui font des livres simples et remplissent le livre de hawashi, des choses qu'on écrit sur le côté, des fawaïd. Au point que le talib, l'étudiant, en oublie quelle est l'origine du livre. Par exemple, il va faire usul salafa. Et dedans, le mudarris, l'enseignant, va venir avec plein de fawaïd, de livres plus grands, qui va prendre de At-Tahawiyya, il va prendre de l'Aqidah Wasatiyya, il va prendre de là. Et à la finale, alhamdoulilah, le talib aura eu des ma'loumat. Mais si jamais demain, on venait à s'asseoir avec lui et lui dire, ma hiya al-usulu thalatha allati yajibu ala l'insan ma'alifatuha, quels sont les trois fondements qu'il est obligé à la personne de connaître, il dira, je sais pas. Il dit, j'ai fait le livre, j'ai appris plein de choses, mais à la finale, la base du livre, je ne l'ai pas comprise. Car on m'a, comme on dit, on m'a assommé de fawaïd externe au kitab. Donc là, le but surtout, c'est de comprendre le but du livre, le cœur du livre. Et cela se fait par des shurouh, wajizah, mukhtasara, sommaire et résumé. Donc la dernière fois, nous avions pris quoi? Ma aqidatuk, qui avait un lien avec la salafiyya. Le fait de se dire un sunni salafi. De dire que je suis un sunni, un salafi. Et comme ce point-là est important, nous avions basé le ders exclusivement sur cette mas'ala. Famine al-yom, sanabda narjir min al-mas'ala al-ishrin wal-mas'ala al-wahid al-ishrin. Naam. Sanakhouz mas'alatayn. Faqal فإذا قيل لك ما من أول الرسل إلى أهل الأرض ومن آخرهم donc s'il te dit quel est le premier des messagers aux gens de la terre envoyés aux gens de la terre et qui est leur dernier فقول أولهم نوح عليه الصلاة والسلام que leur premier c'est نوح وآخرهم وأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم et le dernier d'entre eux c'est notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur entre eux. فَبِعْثَتُهُ أَوَّلْ الْعَلَمَاتِ السُّغْرَى لِسَّعَةِ وَيَجِيبُ عَلَيْنَا الْإِمَانُ بِهِمْ جَمِيعًا donc il dit que son envoi est le premier signe mineur, parmi les signes mineurs de l'heure. Son envoi est parmi les signes mineurs de l'heure, c'est le premier signe mineur de l'heure. Et qui nous est obligé de croire en eux tous, tous les messagers, le musulman doit croire en eux. De là la différence entre le musulman et les gens, les kitabiyin, les autres kutub, car eux ne croient qu'en leur messager, ou soi-disant, prétendent ne croire qu'en leur messager. Hein, Banu Israël, ce qu'on appelle aujourd'hui les Yahoud, c'est-à-dire les juifs, eux prétendent ne suivre que tous les messagers qui ont été envoyés jusqu'à Isa. Et quand Isa est venu, ils l'ont renié. Alayhi salatu wa salam. Et le plus grand messager des Bani Israël, c'est Moussa. D'accord, c'est Moussa, alayhi salatu wassalam. Cependant, tous, ils le reconnaissent tous, jusqu'à Isa. Et lorsque Isa est venu, alors qu'il leur avait été annoncé, sa venue, ils l'ont renié. Hein, ils l'ont renié, ils ont cru en lui. Et qui l'a suivi? Ce qu'on appelle Al-Nasara. Attention, les Banu Israël de l'époque de Isa qui l'ont suivi sont des musulmans. Vous le savez, on a dit que chaque personne qui a suivi son messager, c'est un musulman, à la base. Après, ils ont été appelés Nasara. Et les Nasara d'aujourd'hui ne sont plus d'eux. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus de ceux de l'époque de Isa, alayhi salam. Ils ne sont plus sur la religion avec laquelle est venu Isa. Et à la base, Isa a été envoyé au Bani Israël. Ya Bani Israël, inni Rasulullah ilaykum. Donc nous disions que Isa, alayhi salam, Isa, celui qu'ils appellent Jésus, n'est pas venu pour tous les hommes comme ils tentent de le faire croire, mais il n'est venu que pour les fils d'Israël. Pour leur rappeler ce qui leur a été révélé auparavant. Et pour leur rendre licite certaines choses qui leur ont été rendues illicites. Et il a annoncé la venue de Mohammed après lui. Hein, pour annoncer un messager qui, d'après moi, qui s'appelle Ahmed. C'est-à-dire Mohammed. Donc chaque messager est venu et a annoncé celui qui venait d'après lui. Afin de que, après sa mort, le prophète, les gens de sa communauté savent vers qui se tourner et qui suivre. Donc le croyant sincère suit de prophète en prophète. Donc les juifs, eux, se sont arrêtés à avant Isa. Les chrétiens, eux, se sont arrêtés à Isa. Ils n'ont pas reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, au sens propre du terme, ont reconnu tous les messagers. Min Nuh alayhi salatu wa sallam ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa min al-anbiya min Adam il est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les prophètes, ils ont cru depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croient en tous. Thumma qal wa ad-dalil wa hadith Abi Hurayra. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal an al-mahshar yawm al-qiyamah. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل للأرض فسمك الله عبدا شكورا الحديث متفق عليه. Donc il dit la preuve de cela, le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour où les gens sont tous réunis seront sous la peur de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils iront chacun à chaque messager en vue d'obtenir une intercession, une shafa'a. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Fayatuna nuhan fayakulun ya nuh anta awwalu al-rusul. Donc ils se rendent vers Nuh pour demander qu'il intercède auprès d'eux, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent: oh Nuh, celui que les chrétiens, les juifs, les mécréants appellent Noé. Mais son vrai nom c'est Nuh. Ils disent: oh Nuh, tu es le premier des messagers aux gens de la terre. Et Allah t'a nommé comme étant un serviteur reconnaissant. Donc ce hadith dit bien: Anta awwal ar-rusul ila ahli al-ard. Tu es le premier des messagers aux gens de la terre. Donc la tambih qui pourrait causer un iltibas pour des personnes, c'est des gens qui diraient: mais c'est Adam le premier sur terre. On dirait un âme à Adam. Abuna, alayhi salatu wassalam, kana nabiyyan. C'était un prophète, et non un messager. Car il y a un fork. On l'a déjà cité dans les douze précédents, je pense, que tout messager est un prophète, et non le contraire. Il y a une différence entre le prophète et le messager. Le messager, lui, il vient, en général, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah l'a dit, à un peuple mécréant qui dément. Il lui apporte un char, une législation avec un livre à suivre. D'accord? Alors que le prophète, un nabi, lui envoyé Mimbeb Tajdid, char Rasul Al-Lazi Ursila Kabla. Il est venu à la base pour revivifier la législation avec laquelle est venu le messager. Il vient pour rappeler aux gens. Il n'apporte rien de nouveau. Il n'a pas de livre avec lui, ni de nouvelles lois. Mais en guise de rappel aux gens. Et les anbiya kanu kathirin jiddan. Les prophètes étaient très nombreux. Wal rusul kanu qalilin. Alors que les messagers étaient peu. Dans des hadiths, je crois qu'ils étaient 360 ou autour de ce nombre-là, si je me rappelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas tous nommés dans son livre. Mais nous sommes obligés de croire en eux, jumlatan wa tafsila. De façon globale et de façon détaillée. On croit en tous les messagers. Qu'ils étaient nommés ou pas. D'accord? Qu'ils étaient nommés ou pas. Donc Nuh, c'est le premier messager qui est venu avec Arisala min Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, قال والدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et la preuve c'est que le Mohammed est le dernier des messagers, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le sceau, c'est-à-dire le dernier des prophètes. D'accord? Le sceau est le dernier des prophètes. Wa hadith Thawban radiallahu anhu annahu sallallahu alayhi wa sallam qal wa ana khatimul nabiyyin la nabiyya ba'di. Il dit je suis le dernier des messagers et plus de messagers après moi. Hein? La nabiyya ba'di. Akhraju Muslim. Hadith rapporté par Muslim. Donc de là, toute personne qui viendrait à prétendre la prophétie après lui serait un menteur. Et des gens sont venus, ont prétendu être des prophètes, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des gens sont venus et ont prétendu la prophétie d'après lui. Et celui qui amènera ça, bien entendu, serait un grand menteur. Et démentir les textes religieux. Ce qui amène à la mécréance. Une fois, j'avais écouté un audio de Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, où il a débattu avec une personne qui se prétendait être un prophète. Et dedans, justement, il débattait avec lui, justement, dans la question, dans un moment, il me pose, il lui dit, est-ce que tu es un messager, ou est-ce que tu es un prophète? Et il lui dit quoi? Ana rasulun wa lestu nabiyyan. Il a fait une gaffe énorme à ce moment-là. Il a dit, je suis un messager et je ne suis pas un prophète. Donc de là, cela a démontré, bien entendu, sa grande ignorance. C'est-à-dire que c'est même pas la différence qu'il y avait entre les deux, et que tout messager est forcément un prophète, non le contraire. Il lui a dit, tu es un messager, ou tu es un prophète. Il dit, tu es un prophète et non un messager. Ou plutôt le contraire, je suis un messager et non un prophète. Et également, quand il a voulu lire du Coran, il s'est trompé, il a fait du lahn dans les versets. Chose qui peut nous arriver à nous, mais pas à un prophète ou à un messager. Et là, Sherbani le dit pareil. Comment tu es la révélation avec toi, comment tu te trompes dans le Coran? Tu ne peux pas te tromper normalement. Tu es infaillible dans la retransmission de la révélation. Et dans l'audio, on entend parfaitement que cette personne-là était complètement démente, prise de folie. Probablement qu'il était possédé par un djinn ou on ne sait quoi. Je n'ai pas entendu que le chien l'ait rendu mécréant ou quoi. Il a débattu avec lui et il l'a plusieurs fois coincé. Cependant, cette personne-là était vraiment prise dans son délire, comme on dit. Elle y croyait vraiment. Et d'autres gens sont venus, ont prétendu la prophétie. Plus d'une. Donc, toute personne qui viendrait à dire qu'il est un prophète ou un messager, cela est un mensonge pur. Cela n'est pas possible. Naam. والدليل على أنه أفضل الأنبياء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. Muttafaqun alayhi. Et la preuve qu'il est le meilleur des prophètes, c'est le hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le maître, Sayyid, des gens, le jour de la résurrection. Et c'est lui qui est venu avec les plus grandes mu'jizat, les plus grands miracles. Et parmi les mérites et la différence qu'il y a entre lui et les autres messagers, ont déjà été cités dans un vers précédent, pour qui veut y revenir. Et son plus grand miracle, avec lequel il est venu, c'est le Coran, qui est jusqu'à ce jour présent dans nos mains. نعم والدليل على أنه أول علامات الساعة حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بأصبعي متفق عليه. Donc la preuve qu'il est le premier signe de l'heure, le hadith qui était rapporté par سهل بن سعد رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai été envoyé moi et l'heure comme cela. Et là, il se mit à joindre entre ses deux doigts. Wa an Anas ibn Malik, radiallahu anhu, anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, bu'istu anna wa sa'a kahatayn, wa dhamma as-sababata wa al-wasta, muttafaqun alayhi. Et dans un autre hadith rapporté par Anas ibn Malik, que le prophète, il a dit, j'ai été envoyé moi et l'heure comme ces deux-là. Et il s'est mis à joindre entre le majeur et l'index. D'accord, le majeur et l'index. Pour dire qu'il est lié et collé. Que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la proximité de l'heure. Naam. Thumma qal, hafizallahu ta'ala, wa dalilu annahu yajibu alayna al-imanu bihim jami'a, man kafara biwahidin minhum, faqad kafara bihim jami'a. Qul Allahu ta'ala, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc il dit, et la preuve qu'il nous est obligatoire d'avoir foi en eux tous, sans exception, et que celui qui mécroit en un seul d'entre eux a mécru en eux tous, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager dans le sens où il dit, le messager a cru en ce qui est descendu sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants, tous ont cru en Allah, ses anges, ses livres et ses messagers, en disant, nous ne faisons pas de différence pour aucun de ces messagers. Et sa parole subhanahu wa ta'ala, où il dit dans le sens, ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager, et qui veulent faire des distinctions entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains, et nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin entre les deux. Ceux-là sont les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Wal'a'adhu billah. Donc là, ces versets démontrent clairement qu'il est obligatoire pour le musulman de croire en tous les messagers. Et cela est une réfutation à ceux qui prétendent que les gens du livre sont des croyants. Qui disent qu'ils sont nos frères. Et qu'on doit respecter leur religion. Pourquoi? Car les gens du livre, eux, les chrétiens et les juifs, ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs, eux, ne croient pas en Isa alayhi sallam. Donc comment? Alors dans le Coran, il dit que ceux qui font distinction entre eux, ceux-là sont les vrais mécréants. Donc comment peut-on prétendre que ces gens-là soient des croyants? Et les autres preuves sont bien nombreuses sur le fait que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des mécréants. Qu'ils soient des juifs ou des chrétiens. Cependant, Allah les a particularisés dans son livre, dans sa religion, en les appelant les kitabiyin et les kitab, du fait qu'ils ont reçu un livre. Ils ont reçu un livre qui a demeuré par la suite, cependant qui a été falsifié. Voilà pourquoi. Et que la base de leur religion, c'est la nôtre. La base de leur religion, c'est la nôtre. Et que leur livre, nous, on y croit. La Torah, ce qu'on appelle la Torah, on y croit. C'est un livre qui a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'Injil, ce qu'on appelle l'Évangile, on y croit également. Sont des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, ils ont été abrogés par le Coran et également ils ont été falsifiés. Donc, on a pu les suivre. Mais ce qui est venu dans le Coran, qui cite Shar al-Lazim min Qablina, qui cite la religion de ceux qui étaient avant nous, tant qu'il n'y a rien qui amène à une abrogation ou une contradiction avec les rites de l'islam, cela est considéré comme étant un Shar pour nous aussi. Mais il y a un khilaf sur la mas'ala. Pour ne pas se lancer dedans, juste bab al-tanbih. Donc ceux qui croient, ne serait-ce qu'en tous les messagers, exception faite pour un, celui-là, c'est un mécréant. Sans l'ombre d'un doute. D'accord? Sans l'ombre d'un doute, celui-là est un mécréant. Ce qui est le cas des al-kitab d'aujourd'hui. Également parmi les preuves qui amènent à dire que celui qui mécroit en un seul messager a mécru en tous. Qulullahu ta'ala, kadzabat qawmu nuhin al-mursalin. Que le peuple de Nuh ont démenti les messagers. Et comme nous avons dit en début de cours, qui est le premier messager aux gens de la terre? C'est Nuh. Donc comment son peuple aurait-il pu démentir des messagers au pluriel, alors qu'un seul leur est parvenu? Dans le sens que si tu en mécrois en un, tu en démentis un, tu les as tous démentis. Cela revient à ça. Ça, c'est encore un verset qui est une preuve, qui démontre que celui qui dément un seul messager a démenti en tous, car ils sont tous venus pour La même croyance comme cela va suivre Bidlillah dans la Mas'ala Al-Wahida wa Ishran. طيب فمن هنا انتهت هذه المسألة. فقال فإذا قيل لك جميع الرسل إلى ماذا يدعون الناس. S'il te dit à quoi appellent tous les messagers. فقل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc si on te demande en quoi l'ensemble des messagers ont-ils appelé les gens, tous, dis, ils les ont appelés à l'adoration d'Allah seul et sans associé. Et la preuve est la part d'Allah dans le sens où il dit, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager qui leur dit, adorez Allah et écartez-vous du ta'arut. Naam. Donc cette mas'ala vient pour rappeler à quoi ? Elle est la suite de l'autre, la précédente, qui est le fait de croire en tous les messagers. Car ils sont tous venus avec une seule et même croyance, un seul et même message, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont appelé au tawhid et ont mis en garde contre le shirk. Tous, à adorer Allah seul, sans associer, et de s'éloigner du ta'arut. Comme nous l'avons dit, les rites ont différé de religion en religion, de génération en génération, et peut-être de lieu en lieu. Mais le cœur de leur appel était le même. Ils sont tous frères, appellent tous au même message, envoyé du même Seigneur, de la même divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun veut leur mission à remplir pour leur communauté. Exception faite pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est envoyé à tous les hommes. De lui, jusqu'à la venue de l'heure, il est obligatoire à la jami'a al-mukallifin, à tous ceux, parmi les hommes et les djinns, de lui obéir. Contrairement aux autres messagers qui eux ont envoyé à des peuples en particulier. Naam. Donc de là, le message est celui de Tawhid. Ubudullah et Wahidullah. Unifiez-le dans l'adoration. Washtanibut Ta'arut. Et éloignez-vous du Ta'arut. Le Ta'arut, comme cela a été défini par Ibn Qayyim, Rahimallahu Ta'ala, comme vous pouvez le trouver dans la fin de Usul Salafa, où il dit Al-Ta'arut. كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. Toute chose par laquelle le serviteur dépasse les limites, parmi une chose qui serait adorée, prise en culte, ou comme une chose suivie, ou obéie. Cela inclut des êtres humains, ou même des objets inanimés, ou même des idéologies. Tout cela rentre dans le ta'arut. D'accord ? Tout cela rentre dans le ta'arut. Summa zakara qal, un tawarit, tawarit c'est le djem ta'arut, un tawarit kathira, wa ru'usuhum khamsa, qui sont très nombreux, et que leurs têtes sont de cinq. Awalan iblis, ash-shaytan, la'anahu Allah. Thaniyan, من عبد من دون الله ورضي به. Quelqu'un qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cela. Car des personnes peut-être ont été prises en culte après leur mort ou même de leur vivant mais n'ont pas agréé. À l'exemple de qui? Isa. Alayhi salatu wassalam. Isa était adoré et Isa est innocent de ce que les chrétiens lui font. Isa ce n'est pas un ta'arut. Wal'a'adhu billah. C'est un messager. Min abdal al-rusul. Min ul azm. Et qui va revenir. Il va redescendre sur terre et il va diriger par la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est la nôtre actuellement. Il va briser la croix et tuer le porc. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cette adoration est un ta'arut. Également, قال وَمَنْ دَعَ النَّاسِ إِلَى عِبَالَتِي. Et ceux qui appellent les gens à l'adorer. Ce qui appelle les gens à l'adoration. Et l'adoration, on a pris que c'est un mot large. Ce n'est pas forcément le fait de faire salat pour lui. Mais plein de choses qui rentrent dedans. وَقَالْ وَمَنِ الدَّعَى شَيْءًا عِلْمِ الْغَيْبِ. Et celui qui prétend connaître une chose de l'invisible. Comme ce qui touche à l'avenir. Par exemple, comme le font les astrologues ou les voyants et ainsi de suite. Tous ces charlatans là qui viennent et qui prétendent aux gens qui connaissent l'avenir. Ceux-là sont les tawarites. Même ceux qui se disent muslimines, le hukm sur eux c'est qu'on les appelle tawarites. Et il dit je suis voyant, je fais revenir l'amour perdu, j'apporte la richesse, ceci et cela. Et je peux aussi donner les sens de l'avenir. Tu vas chez lui, tu le payes, tu fais du shirk billah, car il va te demander de faire des choses interdites, comme le fait, je sais pas moi, faire des choses qui sont des ribadas pour les djinns qui sont en son service, pour arriver à obtenir son, à atteindre son objectif. Ceux-là sont les tawarites. Et dans plein de pays d'islam, on en trouve des comme ça. Et également, قال ومن حكم بغير ما انزل الله. Et celui qui juge par autre que ce que Allah fait descendre. Car le jugement ne revient que à Allah. Donc celui qui avec autre chose que Allah fait descendre et juge avec et le voit comme étant licite et meilleur que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré dans son livre à suivre comme loi, celui-là c'est un tarout. De là toutes ces idéologies qu'on trouve actuellement comme démocratie, socialisme, communisme, et j'en passe, sont des lois de tarout. Elles n'ont pas été descendues par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui amène également, comme étant une preuve, que les élections sont interdites en islam. Car les élections sont quoi? Une branche de la démocratie. Donc cela est un tarout. Donc il n'est pas permis d'aller voter. Et le khilaf, dans cette mas'ala de sujet, n'est pas à prendre en considération. Les savants qui ont autorisé cela se sont trompés pleinement. On a sallallahu alayhi wa sallam. Min elle est sunnah. Parmi ceux de gens de la sunnah, qu'Allah leur pardonne. Amado se sert de cela justement pour égarer les gens. Comme on le trouve chez les Ikhwan Muslimin, chez les Hizbiyyin. Ils appellent à voter car ils ont un intérêt derrière. Ils se servent de ce genre de divergence pour pouvoir également égarer les gens et atteindre leur but. Qui est un cause de dunya. Pour obtenir des biens de ce bas monde. Naam. Wa ma ta'alak bil hukm bi ghayri ma anzal Allah. Pour ce qui concerne le fait de juger par autre que ce qu'Allah fait descendre, revenir au doulous de Nawakid al-Islam, et que cela revient, avant de dire qu'un gouverneur qui aura commis cette faute-là, c'est un tarout ou un mécréant, il y a des conditions qui reviennent aux gens de science. Est-ce que lui, il fait ça sous la contrainte, bil-ikrah, est-ce qu'il préfère cela, ou est-ce qu'il voit que cela est égal avec l'ordre d'Allah? S'il voit que cela est égal avec l'ordre d'Allah, cela est de la mécréance. S'il voit que cela est préférable aux lois d'Allah, cela est de la mécréance. En dehors de cela, cela est du kufr asrar. C'est de la mécréance mineure. Quoi qu'il en soit. Au minimum, kufr asrar. Et le kufr asrar, comme on l'a appris, la yukhrij sahiba min millah. Ne fait pas sortir la personne de l'islam. Naam. Falyum a'arazna mas'alatayn wa huma idhaqil alak. إذا قيل لك من أول الرسول إلى أهل الأرض ومن آخرهم. S'il te dit quel est le premier messager aux gens de la terre et qui est le dernier. Enfin, le premier c'est Nuh et le dernier c'est Muhammad. عليه الصلاة والسلام. Deuxième مسألة إذا قيل لك إلى ماذا يدعو الرسول جميع الناس. À quoi appellent tous les messagers les gens? Ils appellent à quoi? Au tawhid et à éviter le shirk. فبهذا القدر نكتفي ونقول والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام أفاف.com